بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في السؤال 59 بعد المئة. صدقة نفيم كيستيون. سؤال الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم قولهم دفن في مثواه الأخير؟ Donc il est interrogé le shir à propos de la parole d'une personne qui serait morte. On dit de lui, il a été enterré dans sa dernière demeure. Il a été enterré dans sa dernière demeure. فأجاب رحمه الله تعالى قول القائل دفن في مثواه الأخير حرام ولا يجوز لأنك إذا قلت في مثواه الأخير مقتضاه أن القبر آخر شيء له وهذا يتضمن إنكار البحث ومن المعلوم لعامة المسلمين أن القبر ليس آخر شيء إلا عند الذين لا يؤمنون باليوم الآخر فالقبر آخر شيء عندهم donc il a dit de dire cela n'est pas permis que cela est sa dernière demeure. Car en disant cela impliquerait que après la tombe, il n'y a plus rien. Et cela englobe la croyance du refus de la résurrection. Et il est connu que les muslims croient en la résurrection. C'est-à-dire que la tombe n'est qu'un passage. Donc il n'est pas permis de dire qu'il était enterré dans sa dernière demeure. أما المسلم فليس آخر شيء عنده القبر. وقد سمع أعرابي رجلا يقرأ قوله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر فقال والله ما زائر بمقيم لأن الذي يزور يمشي فلابد من بحث وهذا صحيح. Donc le muslim sait que la tombe n'est pas la dernière demeure. Et d'ailleurs, un bédouin avait entendu un homme qui récitait la parole d'Allah dans le sens où il disait que vous ont détruit l'amassage des biens jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Surat al-Takathur, versets 1 et 2. Et ce bédouin a dit par Allah, le visiteur n'est pas résident. Car celui qui visite une chose ne fait que passer. Donc cela inclut qu'il sera ressuscité. ولهذا يجب تجنب هذه العبارة فلا يقال عن القبر أنه المثوى الأخير لأن المثوى الأخير إما الجنة وإما النار في يوم القيامة. Donc il ne faut pas employer ce genre de terme. Et on ne dit pas que la tombe est la dernière demeure, car la dernière demeure, quelle est-elle ? Soit le Jannah ou soit le feu. Car la dernière demeure, c'est soit le paradis ou soit le feu. Naam. Thumma. Il y a eu trois autres questions qui étaient toutes les mêmes, mais on va en prendre qu'une seule. Et à Souel, à Salé 63 Bardelmiya. 163e question. Yakoulou Souel Aïchir, Rahmanou Ta'ala. Marayoukoum Fiman, ou Fimaï, Zahra Hadil Ayam, in el Waz, an el Kubur, in el Dafn el Meyet. Donc il est interrogé. Quel est votre avis de ce qui est apparu ces derniers temps? Comme le fait de sermonner les gens dans les cimetières au moment de l'enterrement, lors des funérailles. Fa'ajab Rahmanou Ta'ala. الذي أرى في الوعظ عند الكبور أنه أمر لا يشرع ولا ينبغي أن يتخذ هذا سنة دائمة. Donc il a dit le fait de sermonner dans les cimetières lors d'un enterrement, cela n'est pas une chose légiférée pour moi. Il ne faut pas que cela soit pris comme une coutume continuelle. فإن وجد له سبب فقد يشرع مثل أن يرى أناسا في المقبرة أن الدفن يضحكون أو يلعبون يتمازحون فهنا لا شك أن الموعظة حسنة وطيبة لأنه وجد لها سبب يقتضيها. Il a dit par contre se trouve une cause particulière, alors cela peut être légiféré, comme par exemple tu vois des gens dans le cimetière en train de rigoler, en train de plaisanter, d'accord, alors là il n'y a pas de mal à les sermonner. أما مجرد أن يقوم الإنسان خطيبا عند الناس وهم يدفنون الميت فهذا لا أصل له في هدى النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي أن يفعل. Quant au fait que l'homme se mette à se mettre debout et à sermonner les gens, à faire une khutbah, alors que les gens sont en train d'enterrer le mort, alors cela n'a aucune origine dans la guidée du Nabi صلى الله عليه وسلم. Il ne faut pas le faire. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى جنازة رجل من الأنصار ولما يلحد القبر فجلس عليه الصلاة والسلام وجلس أصحابه كأن على رؤوسهم الطير من ال من الهيبة والعظمة. Donc il a dit, c'est vrai que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lors de l'enterrement d'un des hommes des Ansar, alors que les gens étaient en train de creuser la tombe, il s'est assis et les Sahaba se sont assis autour de lui. D'accord ? Autour de lui. Et là, avec un bâton, il faisait des traits sur le sol. Et il s'est mis à raconter les choses de l'au-delà, qui se passent après la mort pour la personne. قال فهذا واضح أنه لم يكن خطيبا يخطب الناس ويعظهم لكنه جالس وحوله أصحابه ينتظرون مطل حدو هذا القبر فحدثهم كما لو كنت أنت وأصحابك تنتظرون دفن ميت فجعلت تحدثهم بهذا الشيء. Donc il apparaît clairement de cette situation qu'il ne s'est pas mis à sermonner et à faire une khutba debout en levant la voix ou quoi. Juste, il s'est assis, les gens autour de lui, et il s'est mis à raconter des choses liées à l'au-delà pour l'occasion, comme si toi, tu étais là avec tes amis, à attendre que la tombe, ou plutôt que le mort soit enterré, et tu te mets à citer des choses liées à l'au-delà, comme ça entre vous. Naam. فَرْقٌ بَيْنَ الْحَدِيثِ الْخَاصِ الَّذِي يَكُونُ بَيْنَ الْجُلَسَ وَبَيْنَ مَا يَفْعَلُوا عَلَى سَبِيلِ الْخُطْبَةِ. Donc différence, c'est une nuance qu'il y a entre le fait de discuter entre amis, une personne fait un rappel sur un pot entre amis, entre privés, comme ça, et le fait que quelqu'un se lève et se mette à lever la voix et à sermonner les gens de façon générale. وَكَذَلِكَ كَانَ الرَّسُولُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دُفِنَ الْمَيِّتُ وَقَفَ عَلَيْهِ وَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَاسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ فَنُوَ الْآنِ يُسْأَلْ فَهَذَا أَيْضًا مَسَلَةٌ خَاصَةٌ وَلَيْسَتْ خُطْبَةٌ. كذلك le Nabi صلى الله عليه وسلم, lorsque quelqu'un se faisait enterrer, il se mettait se tenait debout près de lui en disant aux gens, demandez pardon pour votre frère et demandez pour lui le raffermissement, car maintenant il se fait interroger, c'est-à-dire les questions de la tombe, fitnat al-qabr. Donc cela également c'est une chose qui est spécifique et ce n'est pas une khutbah. Donc il dit وكل هذا لا يدل على مشروعية الخطبة عند الدفن على سبيل الأمر الذي يكون عادة متبعة ومثل هذا مثل هذه المسائل ينبغي لها أن نتحرى فيها. Donc il dit, tout cela montre que donc tous ces points-là vont faire attention et rester attentif. Maintenant on sait qu'il y a des personnes qui eux se basent sur les mêmes preuves pour le permettre, d'accord, mais ce que le shir dit ici paraît comme étant la parole la plus juste. Aucun dalil ne stipule que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam soit levé et le lever la voix et se mit à sermonner comme il le ferait pour une khutbah de Jumu'ah ou pour une conférence ou autre que cela. Là. Fallahu ta'ala a'lam wa alhamdulillahi rabbil alamin.